Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94 Porto pour l'émission Call du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien ce dimanche soir. J'ai 8 artistes très talentueux à vous faire découvrir ou redécouvrir. Allez, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Alors nous avons Alpha Blondie, Saint-Semilia, Max Romeo, Jacob Miller, Ken Brods, Sister Nancy, Bambi et Janai. Allez, notre premier artiste se nomme Alpha Blondie. La chanson s'appelle « Une petite larme m'a trahi » et je vous passe ça tout de suite. Une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie, mais une petite larme m'a trahi. Tu m'as dit que tu veux me quitter, que tu as déjà trop souvent hésité. Je t'ai dit que tu pouvais partir, que ça ne m'empêcherait pas de dormir. Mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie, mais une petite larme m'a trahi. Je t'ai dit de partir aujourd'hui. Je serai plus à l'aise seul dans mon lit. Je t'ai dit qu'une autre fille m'attendait, que je rirais quand tu partirais. Mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie, mais une petite m'a trahi. J'étais sûr de garder mon sang-froid quand tu m'as dit adieu, ne m'en veux pas. J'ai crié va-t'en et que le diable t'emporte. Mais sitôt que je t'ai vu passer la porte, là, une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je t'ai dit tant et tant de choses. D'ailleurs, si plus tard, un jour, tu réfléchis, tu sauras que je t'aimais plus que ma vie, plus qu'une petite larme m'a trahi. Oui, une petite larme m'a trahi, plus qu'une petite larme. Et bien voilà les amis, c'était Alpha Blondie, une petite larme m'a trahi. Allez, notre prochain chanteur est Saint-Semilia, il va chanter Flashback, c'est parti. This is our music. This is our music. One life of music. One life, one life. different style. Flashback Grenoble, années 90. Dans un local, ça baisse entre Dubwise et Spliff. Apprentissage, on fait nos gammes sur le son des Elders, sur le son des Wellers, Gladiators ou Sylvans. Sur un trottoir pour la fête de l'Asie. On play high some music. Premier album, première récolte en autoprod. À contre-temps sur l'idéma, contre-temps sur la mode. On squatte les knacks avec nos scuds sous le bras. Des amis, des énergies au service d'une même folie. Que l'on balade de ville en ville dans un vieux camion pourri. L'aventure est lancée. It's a funky reggae party. La danse, résistance, les premiers disques d'or et tous les zéniths de France. On est toujours à fond, toujours à fond. On vient pour pisser sur la flamme, même à Vitrolles ou Toulon. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, à chaque fois. Des années de fou, chaque soir, bonjour. Notre maison est un bus où les rien ne s'arrêtent pas. Non, play, we wanna play, we wanna play, we wanna play. On met les bras, j'en ai un paquet. Allons suivre notre route au cœur. On découvre la jalousie, l'hypocrisie, les chants écrits. C'est l'hypocrite, c'est ma galande. Rien à foutre, on trace notre route sans tricher. On fait ce qu'on est, on laisse aux autres les clichés. On capte ou pas, on ne dévie pas. Ce style, c'est un style du pur signe, c'est milliard. Quand je replonge dans nos souvenirs, je ne peux retenir un sourire. Je crois qu'au fond de moi, je suis nostalgique. C'était nos premiers pas, une reggae music. Tant de terres vierges à découvrir, tant de portes fermées à ouvrir. Je crois qu'au fond de moi, je suis nostalgique. C'était nos premiers pas, une reggae music. This is our music. This is our music. One night for music. This song, my life. This is our music. Reggae music, boom, in a different style. One night for music. One life, one life. Alors moi j'ai une sambal, ma traquage sur les ondes. Et là notre reste stable, fidèle à nos valeurs. La vibe est simple et on ne veut pas de la leur. Laisse-moi me défoncer le bonheur en direct du trésor. Tu croyais quoi? Original grande gueule. Certains ne croient changer, je les laisse à leurs erreurs. Donne-moi une scène et des micros, on met les pendules à l'heure. Then my God, tired to see me face. Can't get me out of the race. No way. De la première heure, ceux qui ont contribué à nos petits bonheurs, à tous se croiser sur la route, qui par leur foi ont chassé nos doutes. Ensemble depuis un quart de siècle, on est loin d'être parfait, mais ça on a su faire. Franchement, c'est de l'aventure humaine dont je crois qu'on est le plus fier. Eh bien voilà mes Rasta, c'était Flashback. Allez, mes Rasta, notre troisième artiste, c'est Max Romeo. Son nom c'est Max Romeo, excusez-moi, j'ai un peu bégayé là. Il va nous interpréter Chase the Devil. Vous allez voir, c'est juste super bien. C'est the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase. Hawaiian shirt and chase the devil out of Earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of Earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of Earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, I lass in hand, and if him slip, I gone with him hand. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of Earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of Earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Les amis, c'était The Devil. Allez, pour continuer cette émission, mes Rasta, je vous propose qu'on passe à un artiste que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Jacob Miller. Il va chanter Tenement Yard. Dreadlocks get live in a tenement yard. Dreadlocks get live in a tenement yard. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Dreadlocks get live in a tenement yard. Dreadlocks get live in a tenement yard. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Dreadlocks can't live in privacy. Anything him do, old nigga see. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can't smoke him pipe in peace. Too much informers and too much beats. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Skip, skip, ba, oh, oh, oh, oh. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy-wa. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy-wa. Dreadlocks can't penetrate the rain, man. All he might do is sell Jaja land. Too much watchy-watchy-watchy, too much su-su-su-su. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Dreadlocks can't lick him pipe in peace. Too much informers and too much beers. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su. Can't hide it, babe, in a tenement yard. Can't hide it, babe, in a tenement yard. Dreadlocks can lick him pipe in peace. Too much Babylon and too much love. Too much Abu Ghibibiba. Too much informer. Eh bien voilà les amis, c'était Jacob Miller. Allez, notre cinquième artiste se nomme Ken Bruce. Il va nous chanter Everything I Want. Vous allez voir, c'est superbe. On se retrouve juste après. Sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest tears I ever knew, all the years I have with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my own, and I would give anything I own just to have you back again. Someone you know that won't let you go and taking it all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and you don't hear a word they say. And I would give anything I own, my own, and I would give anything I own just to have you back again, just to talk to you words again. Voilà les amis, c'était Everything I Want. Allez, l'artiste suivant, c'est une femme, elle s'appelle Sister Nancy et elle va chanter Bam Bam. Tell me say one thing Nancy can understand. Who one thing Nancy can understand? One make them a talk about me ambition. Say so one make them a talk about me ambition. Come and say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no no it's from creation. I told them no no it's from creation. Bam bam hey yo. I come C'était Sister Nancy. Allez, notre avant-dernier chanteur est Bambi. La chanson se nomme Bad Form, My Bomb. Bambi, yeah, me, yeah. Everybody now me bad from me band. Boba pepe son bad, gala son metan. Toka je le bad, lo toka bouge ke to gang. Lando ke bete to pa ke pesere de Snapchat, Facebook, ni de yet to fucking iPhone. Bad gal me ne ma action pour action. Boke fe to gang, fe pour subtraction. La boke chop up to face on the confraction. Tout moun ke rede. Ma fe dead. Tout moun ke rede. Dead. Bossa blank, no. One for the power, two for the family and three for the dollar. Them attack a back attack, you know say them a coward. Every cell when me make, see the water them a follow. Me boss one in a your belly, four five in a your foreign. You never left the town when Bobby they a foreign. Rifle attack, no medal, yeah, I'm sorry. Yeah, me will let them like curry. I see dead. Tout moun ki rede. Dead. What them things to them bad? Yo, Bambi, talk to them the real way. Show them how the real bad gal in the business. Show them how the things set. Show them who run the engine. Who run the universe. Who kick them off. Kick them like a ball. Yo, bad gal, Bambi, talk to them. I'm ready. Them things say them bad, them attack but badness. The whole of them a fake, them a actress. Never know me ban and me grow for the sadness. I swear they got them no better than me shotless. Can't see no ways, girl, on me track list. Cause lyrics and rhymes me a practice. Never know me straight and bad and me rise up the cannon. The whole of them got under dirt. Yeah, yeah. I say death. Tout moun ki rede. Death. Ready, come for me. bien voilà mes rastas, c'était Bambi. Allez, notre dernier chanteur se nomme Jana High. La chanson est Do It So. How you do it, so? Every time you make my speak, so. Every time you make my speak, so. Every time you make my speak, so. Bite your lips, so. Wine pon the rhythm like a lipsa. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my butt before the intro. Wine pon the hood. You never know me where they call pon the boat. Wine pon the table. Wine pon the boat. Before we do it, baby, you better pull. So, we under the kush. Under me Guinness, under me Magnum, under me Hennessy, under me rum. Baby, you a go see the long gun. Where you run go? How you do it, sir? Every time you make my speak, sir. Every time you make my speak, sir. Every time you make my speak, sir. Bite your lips, sir. Wine from the rhythm like a lipsa. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my butt before the intro. My girl, you so sexy. Coca-Cola shape, no appa Pepsi. To pa take it too long for mo tet pitetsi. To the flat condot from mo te kisha nexi. Hey Nancy, better get pregnancy. Root king day a call emergency. None of them can't test me. We a do it everywhere, them can't stop we. How you do it, sir? Every time you make my speak, sir. Every time you make my speak, sir. Every time you make my speak, sir. Bite your lips, sir. Wine from the rhythm like a lip. Maidan, never know I saw the thing tight for real, Maidan. Better lift her up on the big dive and but I run the place right now. Who I represent straight for every island. You all are the man, them want to the mansion. My baby, where you get it from? How you do it, sir? Every time you make my speak, sir. Every time you make my speak, sir. Every time you make my speak, sir. Bite your lips, sir. Wine from the rhythm like a lip. Et bien voilà mes rastas, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, une bonne semaine. Et on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Mais avant de vous dire salut tout le monde, il y a mon papa qui aimerait vous dire un petit mot. Donc on va le laisser parler, c'est parti. Un bisou Emmanuel et Oman, et un bisou aux sœurs dominicaines. Bonne semaine à vous. Et ben voilà, c'était le petit mot de mon petit papa. Là. Allez, bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet 94.2. Salut tout le monde.